zéro. Moi et ma belle là-bas, au contact du ghetto. Pas sur Snap ni sur Insta. Casse la nuque dans le métro quand tu la vois passer là. La plus belle jamais t'éco, magnifique comme Maria. Pocahontas, Pocahontas, au cas où on se casse. On se barre au Texas, faire la mala à Las Vegas. Et son boulot en pyjama, un truc de fou pour de vrai. Je lui donne tout mon amour, gros gâté, je suis refait. Jésus, ses larmes salées. Elle a fait la coupe au carré. J'ai galéré pour lui parler. Elle est pas influençable. Jésus, ses larmes salées. Dis à ta daronne qu'on va pas séparer. Et puis si je vois t'es la bonne, on va peut-être se marier. Sois-moi doulala. J'ai frit sur la moula. Hey, c'est pas une putana, c'est mon petit bébé. Jésus, ses larmes salées. Elle a fait la coupe au carré. J'ai galéré pour lui parler. Elle est pas influençable. Jésus, ses larmes salées. J'pars une après-midi. Elle fait que me téléphoner. Une beauté qui passe crème. Qui s'en fout de la monnaie. Non, j'peux pas faire du mal, j'peux pas. Et même quand on s'en boucane, ben je t'en veux pas. Fais ta belle, crois pas. Que quand tu veux m'endormir, je vois pas. Jésus, ses larmes salées. Elle a fait la coupe au carré. J'ai galéré pour lui parler. Elle est pas influençable. Jésus, ses larmes salées.